soleil a pris le bus en otage. Le chauffeur descend un peu le chauffage. Le nouveau Brunswick est interminable. Je reviens vers toi, c'est donc supportable. Love.